Salut Fred. Salut Danny. Fred, on va parler évidemment de l'élection au temple de la renommée du baseball qui s'est fait hier. Écoute, avant, pourquoi je voulais te parler, c'est parce que tu fais partie d'un comité. Éventuellement, si ça va bien, tu vas avoir le droit de vote dans à peu près Oui, six ans, je c'est fais ça? partie de le Baseball Writers Association of America, donc l'association des chroniqueurs de baseball d'Amérique. Ce sont eux qui votent pour le Temple de la renommée, puis le joueur par excellence, le Cy Young, recrue de l'année, etc. Pour le Temple de la renommée, il faut que ça fasse 10 ans consécutifs que tu sois membre de l'association. Moi, ça fait 4 ans. Et pour devenir membre, il faut que le média pour lequel tu travailles, d'abord, il faut que ce soit un média écrit. Et si tu travailles pour un média électronique, il faut que la majeure partie de ton travail consiste à écrire sur le site web de l'entreprise, là. Exemple, Shai Davidi, qui travaille pour Sportsnet, il écrit pour Sportsnet.ca. Alors, lui, il est considéré comme un writer, hein, ça le dit dans le titre de Un gars comme l'association. Jérémy Filot. Et Un gars pour une fois que l'être. ton média est approuvé, que ton travail est approuvé, entre guillemets, là, parce que faut que tu suis le baseball, là. Eh bien, là, tu as un coût annuel de cotisation, là. C'est une association professionnelle. Alors, puis là, tu as une série de règles que tu t'engages à respecter, etc. Fred, on va parler de l'élection hier. Écoute, c'est pas une surprise. Personne écoute. Normalement, je te parlais, je te posais des questions. Vendredi, je parlais encore avec Mark Griffin. J'ai pas suivi assidûment comme les autres années, mais Ryan Thibodeau, souvent donne son sur Twitter, donne son le bilan des ballots, des votes qui ont été dévoilés. Et Marc disait vendredi, à l'heure où on se parle, il n'y en a pas encore qui s'est élu. Puis normalement, quand c'est pas élu, normalement, quand ça monte en. Quand il y a des élections ou encore le ballot est dévoilé puis que c'est en bas de 70, normalement ça monte pas, ça baisse. Oui, Et exact. souvent, puis là, ben c'est évidemment, Marc qui disait vendredi, il n'y en a pas d'élus à l'heure actuelle. Fait que là, je me disais, oh, fort probablement qu'il n'y aura pas de gens qui vont à la Cooperstown, mais c'est effectivement le cas qui est C'est arrivé ça. hier. C'est Ryan Thibodeau qui est un journaliste de l'Ouest, je pense qu'il est basé à Oakland, qui lui tient le Hall of Fame Tracker. Alors, c'est un fichier Excel qui est disponible dans le fond, qui rend disponible à tout le monde et ça te permet de suivre en temps réel, l'allure du vote, parce que les journalistes souvent lui transmettent leur bulletin. Parce que il faut dire que les gens devaient transmettre leur bulletin avant le 31 décembre. C'est le sceau de la poste qui fait foi de tout parce que c'est transmis par courrier encore, ce bulletin-là. C'est un bulletin papier que les électeurs reçoivent. Alors, souvent, il y en a qui prennent en photo, l'envoient à Ryan Thibodeau, puis lui, ça lui permet de bâtir sa base de données. La tendance qu'on voit, je pense que ça fait une dizaine d'années que Ryan fait ça. C'est que les résultats qu'il obtient cette année, il y a eu à peu près la moitié de l'électorat qui ont transmis son bulletin avant que le résultat soit rendu public. Alors, il y a sur 200 quelques votes, donc sur 400 au total, là, quasiment, lui, il arrivait, Schilling était très près, 74,8 ou 74,9, et puis on l'a vu, il a baissé de quelques pourcentages de points. Souvent, là, c'est entre 5 et 10 % de moins une fois que le résultat complet est connu. Effectivement. OK. Donc, es-tu surpris de voir qu'il n'y a personne? Moi, je ne suis pas surpris parce que pour les explications que je viens de te donner, par contre, je suis déçu. Moi, je suis un gars qui, écoute, là, à un moment donné, c'est un débat, c'est un éternel débat, l'ère des stéroïdes, mais tu as écrit un bon papier au cours des dernières semaines là-dessus. Je pense que c'est vendredi, tu l'as écrit, ou lundi. Ouais, c'est paru dimanche et lundi dans les médias, là, ouais. Roger Clemens et Barry Bonds. Clemens avait trois Cy Young avant 98. À 98, on dit que c'est l'ère des À stéroïdes a peu près, commencé ouais. là. Et Bonds également trois MVP. Donc, peu importe les gens qui disent que c'est des tricheurs, ça se tient pas là. Parce que, regarde, il y avait des honneurs avant Moi, ça. ce que je dis, ce que j'ai écrit, c'est que d'abord, au niveau des stéroïdes, c'est pas à moi à décider. Est-ce que ces gars-là sont admissibles, ne sont pas admissibles? C'est au temple de la renommée et au baseball à le faire. Dans le cas de Pete Rose, le baseball l'a banni à vie, puis le temple de la renommée qui relève pas du baseball majeur, hein, qui aurait pu décider de dire, ben nous autres, on trouve que c'est un grand joueur de baseball, on le laisse admissible. Ils ont décidé de le retirer du scrutin. Ils l'ont pas fait avec Bonds et Clemens, et ils le feront pas avec Alex Rodriguez puis David Ortiz l'année prochaine non plus. À ce compte-là, c'est pas à moi, je trouve, de dire si oui ou non ces gars-là sont méritants par rapport aux stéroïdes. Ils n'étaient pas les seuls dopés dans le temps. Non, Éric non, non. Gagné Puis était sur sur les ça produits reflète dopants aussi, l'affaire là. du baseball aussi, là, Frédéric. Il y Si. a beaucoup d'hypocrisie là-dedans, là. Il y a beaucoup Exactement. Des d'hypocrisie. tricheurs au temps de la renommée, des lanceurs qui graffinaient la balle, qui enduisaient la balle de produits, il y en a. Maintenant, autant je ne veux pas faire partie de l'escouade de la moralité pour les produits dopants, d'un autre côté, moi, il y a une ligne que j'ai tracée. Moi, dans ma vie personnelle, les gens accusés de violence conjugale, puis trouvés accusés ou trouvés coupables, là, je comprends qu'ils sont pas coupables tant que c'est pas réglé. Moi, c'est des gens que je suis pas capable de blairer. Et Curt Schilling, c'est un gars d'extrême droite. Ça, tu peux être de n'importe quelle avenue politique, là. Ça, c'est ça te regarde personnellement. Mais tu peux pas encourager le lynchage de journalistes comme il l'a fait. Tu peux pas condamner des gestes comme l'insurrection qui a eu lieu au Capitole. Tu peux pas être en faveur d'une éventuelle guerre civile. Tu peux pas retransmettre. Tu sais, c'est un gars qui a une plateforme là, puis qui est suivi, puis qui quand il parle, il rejoint plusieurs personnes. Il appelait des lignes ouvertes également, je pense, dans les médias de Boston. Tu peux pas retransmettre des faussetés qui sont prouvées qui sont des faussetés à un moment donné sans avoir un prix. Moi, c'est là que j'ai tracé ma ligne. C'est pour ça que j'ai voté pour Bond, j'ai voté pour Clemens, mais que Viskel et Ben oui. Schilling n'étaient pas sur mon bulletin de vote. C'est ça que Viskel, 11 gants dorés, puis je savais pas, je me rappelais pas de ça, qu'il y a une enquête sur lui pour violence conjugale. Ouais, c'est sorti en décembre dernier Décembre 2020? et il a perdu Ouais. des votes d'ailleurs entre le résultat de l'élection de l'an passé et de cette OK. année. Comme je le dis dans mon texte, présentement, c'est il est pas coupable de rien. C'est quand même des accusations sérieuses. Il y a une enquête. Et il y a un autre incident aussi qui s'est produit alors qu'il dirigeait les Barons de Birmingham, l'équipe 2A des White Sox de Chicago, qui était suffisamment sérieuse pour que les White Sox ne le suspendent pas, ils l'ont congédié. Et puis le baseball majeur enquête sur cet incident-là. Fait qu'à un moment donné, je pense que il reste encore 6 ans à Viskel. Et puis s'il est blanchi, puis que j'ai de la place, parce qu'on doit voter pour un maximum de 10 joueurs à chaque année, il n'est pas dit que Viskel ne reviendra pas sur mon bulletin de vote. Mais moi, pour l'instant, la ligne, c'est là que je l'ai tracée. Manny Ramirez, 27%. Ouais. Sammy Sosa, 17%. C'est des joueurs. Billy Wagner également. Scott Rowland. Scott Rowland, j'étais pas chaud, mais j'écoutais un podcast avec Alain Giroux, puis il disait que dans les statistiques, c'était le 10e meilleur joueur au troisième but du baseball majeur, de l'histoire du baseball. C'est pas rien. Et lui, il a fait un bond très, très important, là, presque 20 %, je pense. C'est un gars qui est rendu en haut de 50 % maintenant de Ouais, mais vote, 52,9, je c'est pas sa pense. dernière année, non, l'année Non, prochaine. non, il Non? reste cinq ou six ans encore, Rowland. Donc Alors, lui devrait rentrer éventuellement. c'est un gars qui devrait rentrer, puis avec raison, selon moi. Mais je reviens à Oui. Ramirez. 27%, c'est quand même un joueur de Cooperstown quand même, là. C'en est un autre, ça. Puis Sammy Sosa, tu sais, je reviens toujours avec l'histoire. Oui, c'est des tricheurs, mais ça a fait l'affaire du Je baseball aussi. pense, ben oui, ça, tu as absolument raison. Moi, j'ai voté pour ces deux-là cette année parce que ma raison, c'était que si ça ne me dérange pas pour Bonds et Clemens, faut pas que ça me dérange pour Ramirez et Sosa. Je pense que dans le cas de Sosa particulièrement, c'est sa courbe de performance avec les années. Ses meilleures années sont arrivées très tard, alors que ce n'est pas normal. Tu comprends? Ceux qui en Pour haut de 30 ans, Ramirez, tu deviens moins bon, normalement. de ces quatre-là, à moins que je me trompe, c'est le seul qui a été suspendu pour dopage et pas rien qu'une fois, deux fois. Alors, est-ce que ça a joué? Est-ce que dans la tête de certains électeurs, le fait d'avoir été suspendu pour dopage c'est une offense plus grande que d'être suspect de dopage, suspecté de dopage. Peut-être, tu sais, au final, là, c'est comme une élection, hein? Tu te présentes, tu reçois ton bulletin de vote et tu t'en vas à l'urne pour faire ton choix dans une élection provinciale, municipale, fédérale. Mais là, c'est un peu la même chose. Tu reçois un bulletin de vote, puis tu as 10 noms maximum à cocher sur une liste qui en comprenait, je pense, 23 ou 24 cette année. Peut-être plus, là, je peux me tromper. Alors, ça reste ton bulletin à toi. Et tu sais comme moi, Danny, ta morale, ma morale, la morale de ma mère, la morale de ton voisin, c'est pas la même, ça. C'est élastique, là. Ce qui est acceptable pour toi l'est pas pour quelqu'un d'autre, et vice-versa. Et sur différents sujets, notre morale ne sera pas au même niveau non plus. Alors, chacun vote selon sa conscience, puis je pense que c'est ce que les gens ont fait. Moi, ce que je trouve vraiment bien, c'est que depuis quelques années, il y a de plus en plus d'électeurs qui publient dans leurs médias respectifs leurs bulletins qui expliquent leur choix, un peu comme moi je l'ai fait, même si mon vote ne compte pas. Et ça anime la discussion, ça permet de comprendre quelques choix parfois. Moi, je trouve que c'est sain comme processus que ces votes-là soient rendus publics. Bonds a eu 65%, quelques votes de plus. Normalement, l'an prochain, ce sera sa dernière année, je pense, ou que je me trompe. Même chose pour Roger Clemens. Est-ce que tu penses qu'ils vont rentrer? Parce que je pense que Ichiro, l'an prochain, devrait être. Ichiro, ça devrait être éligible l'année prochaine. Là. Lui, c'est sûr qu'il va rentrer au premier. Ouais, écoute, laisse-moi, je vais vérifier pour Ichiro. Une chose est sûre, par contre, Bonds et Clemens, ils n'ont même pas eu 62 %. Hein? Je vérifie les chiffres pendant que je te parle. 61%. 61,8 pour Bonds Je pense que et c'est moi qui l'année 61,6 pour Clemens. Peux-tu que Il c'est leur moi qui reste l'année prochaine? un an pour qu'ils ramassent presque 13, un peu plus que 13 % de popularité, entre guillemets. Moi, je pense pas. Je pense qu'ils ne seront pas élus. Et je pense que Schilling va perdre des votes avec ses commentaires aussi. Il a demandé hier à ce qu'on le retire des bulletins de vote. Je pense pas que ça va être bien reçu par une forte tranche de l'électorat. Puis moi, je pense que ces gars-là passeront pas à l'élection. Maintenant, là, je sais pas le nombre d'années qu'ils doivent patienter pour être admissibles au comité des vétérans. Qui est composé là, de, c'est même pas 20 personnes, là, des membres du Temple de la Renommée, des anciens joueurs, anciens gérants. Et je pense qu'il y a quelques journalistes sur le panel, mais je peux me tromper. Et là, ces gens-là débattent du bien fondé. C'est ces gens-là qui ont élu Harold Baines il y a quelques années, notamment. Alors là, ce sera leur ultime chance à ce moment-là. C'est ce que Schilling, hier, a dit. Il dit, moi, je vais m'en remettre à des gens qui ont joué la game et qui sont au Temple. Je veux pas que ce soit des journalistes qui me choisissent. OK. Fred, un gros merci. Une dernière question. Est-ce que toi, ça va te donner le droit de soumettre un nom lorsque tu vas être. Parce que de toute évidence, ça va prendre quelqu'un qui va porter le ballon, là, Philippe Alou. On Ça ne va te peut donner pas, de toi. OK. on ne peut pas, tu sais, sur le bulletin qu'on reçoit, il n'y a pas de section autre, là. On a-tu oublié quelqu'un, rajouter un nom? Ça, on ne peut pas soumettre un nom qui n'est pas déjà sur le bulletin. De toute façon, Alou, ça serait par le comité des vétérans. Ça, je pense que, oui, les membres de l'Association des chroniqueurs de baseball d'Amérique pourraient, à un moment donné, soumettre l'idée au comité des vétérans, ou ça pourrait être comme ça s'est vu. Tu sais, Tim Raines, là, c'est un produit des réseaux sociaux, hein. Tim Raines a été élu au Temple de la Renommée parce qu'il y a un journaliste, Jonah Carey, qui n'est plus journaliste présentement, là, lui-ci fait face à des accusations de violence conjugale, là. Lui, il a parti vraiment là, une campagne de promotion en faveur de Tim Raines, avec des chiffres à l'appui. Là, je ne dis pas que Raines ne mérite pas d'être au Temple de la Renommée, loin de là. Mais il y a eu une cabale là, qui a été menée par Jonah Carey, puis qui a fait des petits. Ça a pris, je pense, 5 ans avant que Raines se retrouve finalement au Temple de la Renommée. Parce que Raines vivotait entre 20 et 30 % des votes avant que cette campagne-là se mette en place. Mais Carey, quand même, c'est un gars de Oui. Montréal qui vivait à Montréal. Par contre, il y a des entrées beaucoup dans les médias américains. Ça aide. Oui, Il y ben, avait des. je ne sais pas s'il ne restait pas à Denver les dernières années, mais c'est un gars qui couvrait le baseball, qu'il y ait des livres sur, pas juste sur les expos, là, sur le baseball en Et général. Là. Oui, c'est Philippe, un gars qui donc, était bien branché. parce que tu regardes toutes les. Ça va prendre un joueur dominicain, je pense à un gars comme Pedro Martinez qui t'arrive des loges, qui ne t'arrive pas des loges en droit de Philippe, qui est quand même Ouais. LNB Network Analyst, donc il y a quand même une belle vitrine là, Ouais. pour me voir Philippe Allou. Je trouve ça triste parce que quand on regarde, on dit que c'est l'équivalent de Frank Robinson, pas Frank, Jackie Robinson pour les Ben, Dominicains. c'est pas. Il n'y a peut-être pas les chiffres de Jackie Robinson, par Je suis pas en contre. désaccord. Ça a été le premier gérant dominicain du baseball. C'est un gars qui a eu beaucoup de succès comme gérant. C'est un gars qui a eu une bonne carrière comme joueur aussi. Je pense pas que ce Enquête soit comme chiffre, joueur. OK. Ouais. C'est Pour sûr, ça. les statistiques sont insuffisantes comme joueur, mais comme gérant, Comme assurément ça. qu'il a sa place au temple de la Comme renommée. bâtisseur, pour être le premier dominicain aussi, C'est les deux là. options. Mais moi, je pense que ce serait un plus grand honneur de lui faire une place parmi les gérants que parmi les bâtisseurs. OK. Fred, gros merci. On se reparle un autre tantôt quand le monde du sport va exiger. Parfait, merci Danny. Frédéric Degg de la presse canadienne. Merci aux gens qui sont en Facebook Live et également en podcast sur les ondes de Donnerzosport.com.